Netherlands exclusive. En ce moment, et en direct depuis I Love Techno, le mix de Dave Clark sur Énergie. We'll be right back. Love Techno, le mix de Dave Clark sur Énergie. Extravagance exclusive. Dance. le mix de Dave Clark. Extravadance exclusive. Énergie extravadance. We'll be right back. officiel I Love Techno. moment et en direct depuis I Love Techno, le mix de Dave Clark sur Energy. Extravagance exclusive.

depuis I Love Techno, le mix de Dave Clark. Énergie Extravagance. Jack on. Extravadance, partenaire officiel d'I Love Techno. En effet, I Love Techno, c'est en direct, c'est en ce moment sur Énergie. C'est depuis Gang que ça se passe, 35 000 personnes enflamment littéralement et sont enflammées par le maître de la matière, à savoir Dave Clark, en ce moment, pour un DJ set de plusieurs heures. On va pouvoir l'écouter jusque 2h30. Laissez-moi juste vous signaler que tout à l'heure, derrière Dave Clark, viendra Valentino Canziani, qui lui nous vient de Slovénie. On a eu tout à l'heure un Serbe, là on a eu un Anglais, puis ouais, c'est le tour d'Europe quasiment en musique. En techno, on se comprend quoi. Laissez-moi vous signaler également que la semaine prochaine, si vous n'êtes pas sectaire, vous aimez la techno, mais peut-être aussi la house, c'est ce qui est un peu plus accessible. Et bien samedi prochain, DJ set exclusif de Bob Sinclair sur Énergie pour Extravadance. Et dans les semaines à venir, quelques autres DJs internationaux à découvrir, comme par exemple Jérôme Ismaé, qui est un DJ producteur allemand qui joue progressive house et trance avec un set absolument succulent. Pas. T'as un autre mot? Non. On va rester sur ça alors. Merci d'être là, I Love Techno, c'est jusque 4h et c'est sur Énergie en exclusivité. Écoute, c'est Dave Clark. En ce moment, et en direct, depuis I Love Techno, le mix de Dave Clark. Sur Énergie. meilleurs DJs de la scène électronique sont en ce moment sur Énergie. I Love Techno, en direct depuis le Flanders Expo de Gand, sur Énergie. Énergie Extravagance. Bang it, bang it, bang it, bang it, bang it, bang it, bang it, bang it, bang it.